Regina chérie, t'es pas une saline, un bon comme un paya, et comme imi boumi sato. Na oumeli moi mingi, bosa ya kozonga e kangingai, boutoumo ina zali kokanisa yo, bisengo ya moto moko elingite, inelanga tapo tona talaha, na wena makanisie, na ba sorti baninga tenzande, kaiko moi site, gina, songe langai. Regina, na boca mo paya, elili na ya, na ta katango iso manga. Na wena makanisie. Ma sorti baninga de zate, kaiko moi cité, Gina, songelanga. Gina mose ma moi gagnoso, etikali e paina yo. La cotine la yo bie, o come langa, e pai na zali. Kamata a via air Afrika, o come langa e na zali cose la yo ye ye. Mata pe po moko la marie, o come langa, Regina mon amour. Mata pe po moko la marie, o come langa, Regina mon amour. Mon amour, ma tapé pour mon col à mardi, yeah.